The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To happen. Se passer. There is. Il y a. President. Le président. To see. Voir. Too bad. C'est dommage. Wife. La femme. Now, a bit faster. There is. Il y a. Too bad. C'est dommage. President. Le président. To see. Voir. To happen. Se passer. Wife. La femme. President. Le président. To happen. Se passer. President. Le président. To see. Voir. Now, use the words in context. Se passer. I can see what's happening. Je vois ce qui se passe. Le président. The president is there. Le président est là. Il y a. It's the president's wife. Il y a la femme du président. Voir. I see the president. Je vois le président. La femme. She is the president's wife. Elle est la femme du président. Se passer. I can see what's happening. Je vois ce qui se passe. Il y a. It's the president's wife. Il y a la femme du président. La femme. She is the president's wife. Elle est la femme du président.